Je sais ton amour, je sais l'eau versée sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur le mien, j'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, rien ne nous retient, rien, tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprête, si tu veux qu'on s'apprête. Tu sais mon amour, tu sais les mots sous mes silences, ce qu'ils avouent couvrent et découvrent. J'ai à t'offrir des croyances pour conjurer l'absence. J'ai l'avenir gravé dans ta main, j'ai l'avenir tracé comme tu l'écris. Tiens, rien ne nous emmène plus loin qu'un geste qui revient. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprête, si tu veux qu'on s'apprête, si tu veux qu'on s'apprête. Mon essentiel, si tu veux qu'on s'apprenne, qu'on s'appartienne.